nibigira. Alphonse Kugimana à la mise en onde. Vous écoutez la radio Isanganiro émettant depuis Bujumbura. Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée dont voici d'abord les grands titres. Les plus de 5000 prisonniers qui ont été graciés par le président de la République il y a une semaine écroupissent toujours en prison. Le ministère de la Justice chargé de l'exécution de ce décret présidentiel explique que l'exécution de cette loi implique des exigences. Vous entendrez le directeur du Centre de formation professionnelle de justice au sein de ce ministère. Et la forte température qui s'observe ces derniers jours inquiète les citadins de Bujumbura. Et les agriculteurs de Lumonge, dans les champs, commencent à flétrir. Un pneumologue appelle la population à boire beaucoup d'eau pendant cette période. Et dans la chronique sportive de ce lundi, le Gold Ball est au rendez-vous. Voilà pour l'essentiel. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, je vous le disais tout à l'heure, les plus de 5000 prisonniers graciés par le président de la République il y a une semaine n'ont pas encore été libérés lors de l'émission Mosaïque de la radio Isanganiro le week-end dernier. Edouard Binani, directeur du Centre de formation professionnelle de justice au sein du ministère en charge de la justice, a expliqué qu'il y a des mesures d'accompagnement qui doivent être établies dans l'exécution de ce décret présidentiel. Selon lui, ce travail exige une certaine prudence. Suivez plutôt Edouard Minani qui répond aux questions de Léonce Vitaliou. Il y a le décret qui est pris, il y a les mesures d'application du décret. En tout cas, vous avez recensé ces différentes catégories de prisonniers bénéficiaires de la grâce. Oui, certainement qu'il y a eu recensement des prisonniers, on connaît les dossiers. Mais il faut alors, dans l'exécution de ce décret, parce qu'à partir de là, les prisons doivent s'organiser aussi pour pouvoir identifier, déceler les dossiers qui sont impliqués par cette mesure de grâce. Mais aussi, il faudra voir si c'est réellement des condamnés ou des prévenus. Les prisons doivent s'organiser pour libérer ceux qui sont graciés par le président de la République. Est-ce qu'ils ont encore ce temps de s'organiser alors que le décret est déjà sorti? Le décret est sorti, il faut le mettre en œuvre. Deuxième aspect, il faut que ces prisonniers qui bénéficient de la grâce présidentielle subissent une formation patriotique avant d'aller dans la société. Est-ce que vous estimez que ces prisonniers bénéficiaires de la grâce se connaissent aujourd'hui? Je crois que les prisonniers sont administrés, ils ne s'administrent pas. L'analyse se fait par les services techniques et jusqu'à présent, les dossiers sont identifiés, mais ils n'ont pas été communiqués aux prisonniers que tel doit bénéficier de la grâce présidentielle. Présentement, j'estime que ceux qui s'estiment être libérables n'ont pas encore été notifiés de la décision. C'est pourquoi je dis que c'est un travail technique, administratif, d'organiser la libération de ces gens-là. Je sais la procédure. Il faudra qu'ils subissent une formation patriotique. À la prison, quelqu'un peut sortir sous le nom de Milan Edouard alors qu'il s'appelle Gashimana Augustin. Toutes ces manœuvres-là doivent être traitées au niveau de l'administration pénitentiaire. À certains moments, ces manœuvres peuvent être même monnayées. D'où la prudence pour l'administration pénitentiaire. Plus on s'empresse, on risque de gâcher certaines choses. Le décret est tombé, il faut le mettre en application. On y est déjà. On y est déjà parce que les prisons commencent à mettre en place tous ces mécanismes. Le ministère de l'Intérieur commence à s'organiser pour la formation patriotique avant de quitter les prisons, à sensibiliser l'administration à la base pour l'accueil de ces libérables. C'est-à-dire qu'il faut toute une structure d'accueil, toute une structure de formation patriotique, toute une structure technique pour bien les identifier. En délai je ne pas dire un mois, j'utilise le terme délai raisonnable, pour mettre en application ce décret. Donc, il fallait préciser le délai. Il y a des lois qui sont entrées en vigueur le jour de la signature, qui ne sont pas encore mises en œuvre, parce qu'il y a des mesures d'application qui doivent être prises par les autorités subalternes à l'autorité hiérarchique qui a pris la mesure. Justice toujours, plus de 65 millions et le montant constituant l'indemnité payée par la société minière Tanganyika Mining Burundi à la famille Minani scolastique de la colline Gahoma, commune Mabaye en province de Chibitoke. C'est après l'introduction d'une plante au sein de l'institution de l'Ombudsman en octobre 2018. La famille se réjouit de ce jugement et se dit satisfaite de la clôture de ce dossier au maire Ndouayou. Les activités à l'ordre du jour au bureau de l'Ombudsman Burundi ce lundi figuraient la clôture du dossier de la famille Minani scolastique qui demande l'indemnisation sur la parcelle aujourd'hui utilisée dans l'exploitation minière par la société Tanganyika Mining Burundi. Les enquêtes ont montré que cette famille a connu une injustice, comme l'affirme Edouard Ndouimana, l'Ombudsman Burundi. Après la signature de la convention, la société a commencer son travail et a bien évidemment dédommagé une partie de la population. Mais malheureusement, la famille Minane Scolastique n'a pas été dédommagée conformément à l'article 218 de la loi régissant les mines au Burundi. Et a par la suite saisi l'institution de l'Ombudsman, introduit un recours pour que nous puissions intervenir afin qu'elle puisse être dédommagée comme les autres l'ont été. Après l'enquête, le gouvernement a donné une somme de plus de 65 millions de francs burundais à cette famille pour indemnisation. Nous avons analysé le dossier, nous avons approché l'administration communale et la société. Après l'expertise, l'institution de l'Ombudsman a proposé à la famille d'accepter 7500 par plan. Nous avons demandé au gouvernement, représenté par le ministère en charge des mines, d'accepter cette proposition. Et heureusement, les deux parties ont accepté notre proposition et sont tombées sur un accord. Et le gouvernement, représenté par le ministère, a accepté de payer à la famille 65 millions et plus. La famille Minane Scolastique a bien accueilli la manière dont leur dossier a été traité et demande à l'Ombudsman à le faire de manière pour les autres. L'Ombudsman lance un appel à ceux qui traitent les dossiers des citoyens de le faire avec un bon cœur pour réduire les cas de jugement. Les plaintes que nous recevons ici sont consécutives aux fautes. Pour dire que si les agents de la fonction publique faisaient leur travail en bon père de famille, l'institution de l'Ombudsman et toutes les autres institutions qui sont chargées de la justice ou de départager les conflits auront au moins de travail à faire. Mais malheureusement, nous constatons que ici, dans notre institution, par an, nous recevons plus de 2500 plaintes, ce qui montre qu'il y a encore ici et là des injustices qui sont commises par des agents de la fonction publique. La signature d'accord d'exploitation minière entre la société Tanganyika Mining Burundi et le gouvernement du Burundi a eu lieu en 2017. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'essentiel à 13h04 dans les yeux de la radio Isanganiro. Vous pouvez l'écouter via le www.isanganiro.org. Je vous l'avais également annoncé en titre. Certains habitants exerçant leurs activités à mairie de Bujumbura s'inquiètent de la montée de la température qui s'observe ces derniers jours. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro disent qu'il est difficile de se déplacer sous un soleil accablant. Suivez ce micro-trottoir de la radio Isanganiro. C'est inhabituel et incroyable. Au mois de mars, on est habitué aux fortes pluies. Mais voilà ce qui se passe. Ces derniers jours, le soleil est accablant. La chaleur est insupportable. On sent de la chaleur, tout le corps. Même la terre est chaude. C'est difficile même de marcher à pied. On ne sait pas comment faire. C'est la première fois que je vois une telle situation. Le soleil est vraiment accablant. Ça dépasse même la période d'été. Je me sens mal à l'aise. J'ai même des maux de tête pendant la nuit. Les enfants ne peuvent pas dormir. C'est vraiment insupportable. Le climat a beaucoup changé. Nous sommes habitués que le mois de mars correspond aux fortes pluies. Mais depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui, nous observons un changement total. C'est comme si le soleil a descendu. Et cela n'écarte pas les champs de haricots qui commencent à sécher dans plusieurs endroits de la commune et province de Rumonge. Les cultivateurs redoutent déjà la chute de la production, alors qu'ils avaient jusqu'au 15 mars courant pour avoir terminé avec le semi. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Rumonge estime trop tard pour celui ou celle qui n'a pas encore semé. Les détails dans cette correspondance de Jean-Pierre Misako. À part quelques coins qui gardent longtemps de l'humidité, des champs de haricots commencent à sécher en commune Rumonge et cela de façon irréversible. Même si la pluie venait à tomber, selon certains cultivateurs interrogés et confirmés par le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Rumonge. D'un côté, ceux qui avaient déjà planté et qui espéraient une bonne récolte de la saison culturelle B au regard de la levée des plantules redoutent déjà un manque à gagner énorme dans les familles puisqu'aucune récupération au niveau récolte n'est envisageable. De l'autre côté, ceux qui n'avaient pas encore semé se demandent s'ils peuvent encore semer ou pas puisque le 15 mars courant leur avait été conseillé comme le dernier jour de semis. À Berlin-Gimier, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Rumonge demande à ceux-là qui n'ont pas encore semé de suivre suivre de près l'évolution de la situation sous peine de perdre inutilement leurs semences. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Le cyclone est prenant naissance dans l'océan Indien, cause de l'augmentation de la chaleur et de la diminution de la pluie. Le directeur général de l'Institut géographique du Burundi l'a dit au moment où l'on rapporte l'augmentation de la chaleur et la diminution de la pluie dans la plaine de Limbo et dans les dépressions de Kumoso. Augustin Genzilabone appelle les agriculteurs à continuer de vaquer à leurs activités car la pluie pourra suivre son cours normal. Depuis cette semaine, un cours comme annoncé dans la note sur la prévision saisonnière précédemment sortie. Suivez Ngenzi Labona Auguste. La situation de forte chaleur que nous observons, que nous vivons maintenant, surtout dans la plaine de Limbo et dans les dépressions, est due aux cyclones qui ont pris naissance dans l'océan Indien, aux abords du Mozambique, qui ont occasionné une dépression, entraînant les masses d'air qui apportaient l'humidité à changer de direction. Donc les masses d'air ont dévié. La forte chaleur que nous observons a été occasionnée aussi par la perpendicularité des rayons solaires au niveau de l'équateur. Ce qui a fait que cette chaleur augmente, c'est tout à fait normal, c'est un phénomène naturel qui s'observe chaque année. Et cette forte chaleur que nous observons est passagère parce qu'un cyclone peut durer un ou deux semaines. Pour dire que cette situation ne va pas durer longtemps. Concernant ce qu'on avait annoncé lors de la présentation de la note sur la prévision saisonnière, nous avions annoncé que les pluies seront normales. C'est ce qui va continuer à se passer. C'est un petit passage qui ne va pas occasionner des conséquences sur ce que nous avons prévu comme prévision. Les agriculteurs peuvent continuer à vaquer quotidiennement à leurs activités, notamment de semis. Comme nous l'avions annoncé lors de la présentation de la note saisonnière, nous étions avec les utilisateurs de l'information météorologique, notamment ceux du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage qui sont chargés d'encadrer la population, surtout sur le suivi de l'information que nous produisons. Il faut donc boire beaucoup d'eau par jour, entre 2 ou 5 litres en cas de montée de chaleur, préconise le docteur François Ndikumwenayo, pneumologue pneumopédiatre. Il signale que faire le sauna ou privilégier les boissons alcoolisées ou non à la place de l'eau contribue plutôt à la déshydratation, ce qu'il faut alors éviter. Suivez plutôt docteur François Ndikumwenayo. En période de chaleur inhabituelle ou élevée, l'individu transpire beaucoup. Dr François Ndikumwenayo, pneumologue et pneumopédiatre, précise que dans ce cas, il peut être déshydraté et se sent épuisé. Quand il fait trop chaud, chaque personne, chaque être vivant va perdre beaucoup plus de liquide par la transpiration. Mais plus la température est élevée, plus la température est élevée pendant longtemps, plus vous aurez beaucoup de temps à perdre le liquide que vous avez dans votre organisme et à la longue, vous finissez par vous déshydrater. Ce spécialiste signale qu'une forte transpiration peut résulter de plusieurs raisons, mais qu'une fois constaté que c'est dû à une chaleur élevée, la première chose à faire, c'est de boire beaucoup d'eau. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est d'éviter de l'exposition à cette chaleur aussi longtemps que c'est possible. C'est-à-dire, c'est se mettre à l'abri quand c'est possible. C'est aussi se réhydrater aussi longtemps que vous êtes exposé à cette chaleur. Se mettre à l'abri ne veut pas exclure la prise d'eau, parce que aussi longtemps que vous êtes en train de perdre de l'eau, la compensation va passer par un apport d'eau. Cet apport peut aller de 2 litres, 3 litres, voire même à 4 litres, 5 litres, en fonction des besoins de chaque individu, en fonction de l'intensité de la transpiration. Une autre mesure, c'est l'humidification du corps par un bain. Tout habillé. C'est quelque chose qui n'est pas habituel ici chez nous, mais c'est quelque chose qui est bénéfique. C'est une pratique qui a été pratiquée en Europe pendant la période de canicule. Quatrième mesure, c'est de s'habiller moins léger. Il conseille d'éviter de privilégier l'alcool ou les limonades à la place de l'eau. Il précise que cela favorise aussi la déshydratation. Ce qu'on doit éviter, c'est d'abord l'exposition à cette chaleur aussi longtemps que c'est possible. Deuxième mesure, c'est d'éviter de se réhydrater avec du sucré. C'est d'éviter de se réhydrater avec de l'alcool, chambré ou pas. Parce que les trois solutions contribuent plutôt à la perte de l'eau par voie urinaire. Et par conséquent, vous allez vous déshydrater incroyable, voire vous réhydrater. Et puis, certains gens qui ont accès à certaines pratiques pensent que lorsqu'ils se sont fatigués, que le sauna est une solution. En tout cas, chez ces personnes, je les déconseille de pratiquer le sauna pendant cette période de chaleur. Parce que dans le sauna, c'est où il y a une température beaucoup plus élevée. Alors imagine si quelqu'un entre au sauna et qu'il est déjà déshydraté et qu'il va perdre davantage le peu de l'eau qui lui restait dans son organisme. Ceux qui se sentent fatigués et préfèrent faire du sport, ils conseillent qu'ils doivent avant toute chose boire de l'eau. La population de la commune de Boussonnet apprend ce Kirundo, victime de la pluie abondante mélangée de grêle qui s'est abattue la semaine passée en cette même commune, demande une aide d'urgence. Cette pluie a détruit les bananiers, les maniocs et caféiers. La population signale qu'il y aura la diminution sensible du café. L'administrateur de la commune Boussonnet Dismas Savimana précise que des efforts ont été conjugués pour essayer de sauver cette population victime de ces aléas en leur octroyant une aide de maïs et haricots pour 334 familles. C'était samedi passé. À la source. Reportage. Le reporter du jour nous conduit en commune Musongati de la province Lutana à la découverte d'une unité de transformation d'ananas en jus appelé Agahayo. Selon Nestor Niyongabo, responsable de la coopérative COP, dit de manque d'électricité des machines modernes sont quelques-uns des défis auxquels elle est confrontée à la difficulté de courant électrique. Olivier Nibitanga, gouverneur de la province de Lutana, tranquillise. Le reporter du jour, c'est Mireille Kanyang. La récolte de l'ananas se fait au bout de 3 ans. La commune Musongati de la province Lutana s'est spécialisée dans cette culture et l'ananas est cultivé sur 3,5 hectares sur cette colline, dit Nestor Niongabo, responsable de la coopérative Copedi. Nous avons constaté que presque sur toutes les collines, notamment les collines de Viabigozi, Viabitsindo, cette commune de Musongati, est favorable à la culture de l'ananas. Nous cultivons l'ananas sans engrais et le transformons. Après avoir demandé l'extension des champs, l'État nous a octroyé 3,5 hectares et nous y avons construit une unité de transformation. La colline Nyabigozi abrite une unité de transformation du jus d'ananas, du jus appelé Agahayo. Frédéric Ndikurio habite dans les environs. Nous le trouvons le soir en train de consommer du jus. Selon lui, la culture de l'ananas est dans cette commune comme un héritage. Bitaki Isanga Hilaire, vieux de 63 ans, apprécie positivement ce qu'il a déjà tiré de cette culture. Dans cette coopérative, ils se font soigner, se réjouit-il. Malgré cela, des défis à cette unité de transformation ne manquent pas. C'est notamment le manque d'électricité, de machines modernes et le manque de marché d'écoulement, déplore Nestor Niongabo, responsable de cette coopérative. À cette inquiétude, Olivier Nwitanga, gouverneur de la province Lutana, tranquillise. En ce qui me concerne, ce n'est plus une question. Je voudrais tranquilliser les habitants de la commune Musongati qu'il y a un projet d'urgence d'électrification. Actuellement, l'on cherche où mettre les poteaux électriques. Dans peu de jours, il y aura du courant électrique. Nous espérons que cette question va trouver solution. Cette coopérative Copedi compte 136 membres, dont 54 femmes. Radio Isanganiro, chronique sport. La chronique sportive d'aujourd'hui vous parle de l'organisation des compétitions du goalball pratiquées par les personnes malvoyantes et aveugles. Avec la chronique sportive, c'est avec Marie-Claire Catenet. Le Comité national paralympique organise chaque année le championnat dans toutes les disciplines de handsport, y compris le goalball, sport pratiqué par les personnes malvoyantes et aveugles. C'est l'explication de Cassier Vis-à-vis Gomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique. paralympiques. Ici au Burundi, comme dans tout autre jeu, c'est le comité national paralympique qui organise tout ça. C'est-à-dire que chaque année, il y a l'organisation du championnat national dans toutes les disciplines sportives. C'est-à-dire que le goalball aussi organise un championnat national. Même si nous avons peu d'équipes, on organise quand même un championnat. Statutairement, on ne peut pas dire que c'est un championnat parce que 4 équipes ne peuvent pas faire un championnat. On fait ou bien on organise un tournoi parce que c'est un tournoi d'éliminatoire direct. 4 équipes de goalball s'affrontent dans cette compétition et 2 premières se rencontrent dans la finale. On fait 4 équipes qui se rencontrent et après ça fait les 2 premières équipes qui jouent la finale. Là, ce n'est pas un championnat. Mais sous-entendu, on peut dire que le championnat national dans toutes les disciplines est chaque fois organisé par le comité national paralympique. Ce directeur technique adjoint au sein du comité national paralympique explique qu'avant la pandémie de COVID-19, les équipes classées premières au niveau national représentaient le Burundi dans les compétitions internationales. Ici au Burundi, nous pouvons dire que malgré que le goalball ne compte pas beaucoup d'équipes, nous avons des joueurs vraiment qui sont meilleurs. On peut vous le justifier par notre sortie de 2017. C'était en avril. Nous étions à Kampala. Nous avons répondu au championnat organisé par le comité paralympique de l'East African Community. Nous avons sorti vainqueur parce que le Burundi a été le 3e du championnat. Nous avons eu le trophée de la 3e place. Le drapeau du Burundi est hissé, comme tout autre du Kenya, de l'Ouganda. Nous prétendons que dans les années à venir, si la pandémie du COVID-19 sera banni. Nous allons répondre aussi à des compétitions aussi pour représenter notre pays. Et si nécessaire, si possible, nous ne prétendons pas être deuxième ou troisième, non. Nous voulons être premier. Dans la prochaine chronique sportive, Cassien Elisabeth Gomba expliquera les défis auxquels font face le sport de goalball ainsi que les recommandations qui puissent contribuer à promouvoir ce sport. Point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi.